la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. On partira comme des manouches, on vivra une vie de gitan, avec comme seul bain, comme seul louche, l'eau plutôt salée de l'océan. On vivra dans une caravane, avec comme seul ou seul devoir, de vivre une vie de tzigane, s'occuper de nos chiens, nos guitares. Tant pis si on n'a pas la télé, on zappera la technologie. C'est clair qu'on peut bien s'en passer, c'est pas grâce à ça qu'on survit les gars. Mais on partira sur la route sans même savoir où on va. Allez les gars, venez, on s'en va, c'est vrai. Rien que vous, rien que moi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. On s'installera près d'une rivière et on s'allongera dans l'herbe. On respirera l'odeur de la terre, on prendra les rayons du soleil. Le vent fera trembler les arbres de sa brise légère et magique. Ici pas de violence et pas d'armes, juste le son de nos grattes acoustiques et le cri de nos petits marmots qui grandiront jour après jour, qui joueront avec nos cabots, qui joueront à quelques jeux d'amour. Les gars, mais on partira sur la route sans même savoir où on va. Allez les gars, venez, on s'en va, c'est vrai. Rien que vous, rien que moi. On prendra nos femmes avec nous, on va pas les laisser toutes seules dans ce monde de fous. Sinon je crois qu'elles nous feraient la gueule. Au pire, si on sait plus quoi faire, pas de panique, y'a une solution. On partira vers d'autres terres, chercher le bonheur au bout du monde. On partira vers d'autres terres, chercher le bonheur au bout du monde. Chaque instant, chaque seconde, allez les gars, on partira. On partira vers d'autres terres, chercher le bonheur au bout du monde. Chaque instant, chaque seconde, allez les gars, on partira. Allez les gars, venez, on s'en va. Putain, venez, on se casse de là. Allez les gars, allez les gars, venez, on s'en va. Allez, allez les gars, venez, on s'en va. Allez les gars.